papa me disait lorsque j'étais enfant, fais attention aux filles lorsque tu seras grand. Ne fais pas comme moi, ne les fais pas marcher, car les filles mon enfant adore se faire aimer. Fais attention mon gars, n'en aime qu'une seule à la fois. J'aurais dû écouter mais ce qu'on a dans le sang, rien n'a pas arrêté et je sais seulement que je suis amoureux de bébé Gina. Depuis bon moi ce qu'on te dirait mon papa. Fais attention mon gars, n'en aime qu'une seule à la fois. Oh. En fait, c'est d'elle que j'ai pensé ma soirée. Tout de corps contre corps, j'ai pu sans hésiter m'apercevoir au fond qu'elle pouvait m'aimer. Cette fois, c'est décidé, c'est bébé que je vais épouser. Aujourd'hui, c'est mon tour de dire à mon enfant, fais attention aux filles lorsque tu seras grand. Ne fais pas comme maman, ne le fais pas marcher, car depuis mon enfant, alors se faire aimer. Fais attention mon gars, n'en aime qu'une seule à la fois.